est Dieu, qu'est Dieu, car tout est Dieu. Mdi Allah, Nelo, Nelo Tuni. Dale kokola kokoko ame argina dale kokola atwanyedo ngatune nyefle furu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tigela buna dama de una ngome nyere faga ndesela oh msirana dune nyete soye la harafuna te dayoro e nika meko dune nye kati ibala ambe bala o Yoribe bona yorobe Kelebe yorobe Mufana nyabe yorobe Nganse koke Oala Atomi tanla Kokoko Ame arigine dale kokola Kokoko Ame arigine dale kokola Tanyedo Kelingeling O bebe tagala Kelingeling Ninga mogami ko yinga O bafoko O sala Dolama Asala Fulgence Cassie Dola Asala Oufwe Boigny Dola Asala Koulibaly Charles Asala Afri Loué Echen Dola Asala Louga François Dola Asala Jimmy Hassan Dolama Asala Aldo Moro Dola Asala Aldo Moro Doro Doro Niko Chicha Masafila Pena Kongo Doro Doro Niko Chicha Masafila Pena Kongo Keleng Eleng O Bebe Tagala Keleng Eleng Kok Kok Kok Ame Arjine Dale Kokola Kok Kok Kok Ame Arjine Dale Kokola Dune nyete soye La harafate tagayaroye Nika meko dune nyeka di Ibala, ibala Ambe bala o Oh, kelingeling O bebe tagala Kelingeling Kokoko Ame arigine dale kokola